Nous sommes donc dans ce rendu au troisième dimanche de Pâques, où nous vivons plus intensément du mystère que nous avons célébré et qui est symbolisé, qui est dans le cœur, les trous sur la croix, de la mise au tombeau et de la résurrection représentée ici par le cierge pascal. Ces trois jours qui ont sauvé le monde et qui continuent de faire vivre l'Église de leur mystère profond. Et nous sommes dans les 40 jours qui séparent Pâques de l'Ascension et des 50 qui séparent Pâques de la Pentecôte et qui nous renvoient à ce moment historique où Jésus n'est pas encore monté au ciel, mais il joue à cache-cache avec ses apôtres, il se montre, il se dissimule pour, comme les habitués, à un nouveau mode de présence à son Église qui est plus spirituel, enfin plus spirituel, en tout cas qui est moins matériel puisqu'il va monter au ciel. Mais cette présence par la puissance du Saint-Esprit va être beaucoup plus efficace en fait parce qu'elle va d'abord ne pas être limitée à un endroit, mais surtout elle va permettre au Christ, non seulement d'être présent devant ses apôtres ou devant ceux qui croient en lui, mais d'être en eux, d'habiter en eux, et au milieu d'eux, quand deux ou trois sont réunis en son nom. Car Jésus, en ce temps pascal, enseigne ses disciples sur le mystère de l'Église. Car si le Christ est mort et ressuscité, c'est pour donner vie à son épouse bien-aimée que nous formons et qui est formée depuis 20 siècles par les croyants. Ce mystère de l'Église qui doit prolonger la présence et l'action du Christ, qui doit continuer son acte salvateur par l'annonce de l'Évangile et par les signes qui l'accompagnent, dont les sacrements. Donc Jésus se donne à connaître et à être manifesté, car il est vivant. Et il nous fait signe, je disais, il joue à cache-cache, mais il nous fait signe au bord du lac, il fait signe par le tombeau qui est resté vide. Ce soir, il fait signe, bien sûr, en apparaissant au milieu de ses apôtres, mais surtout, il veut leur faire comprendre que nous allons le rencontrer dans les Écritures. Et le passage nous dit donc qu'il leur ouvrit l'esprit à l'intelligence des Écritures. Et ça tombe bien parce que cette semaine, nous allons parler des dons d'intelligence et de science. Vous savez que nous avons pris comme thème pour le carême et le temps pascal 7 repères pour une vie renouvelée. Nous avons examiné les péchés capitaux. Maintenant, nous sommes dans les dons du Saint-Esprit. Le premier, le don de sagesse que nous avons évoqué la semaine dernière. Et aujourd'hui, les dons de science et d'intelligence. Ce sont des dons. Il n'y a pas 7 esprits. Il y a un seul esprit qui se manifeste en 7 dons différents. Et qu'est-ce que c'est les dons du Saint-Esprit? Eh bien, c'est un équipement surnaturel, si j'ose dire, qui nous est donné pour entrer dans une communion plus profonde avec Dieu et pour nous aider à faire l'expérience qu'il est vivant, qu'il nous aime et qu'il agit dans nos vies. Un peu comme si, je vous disais, dans l'air, en ce moment, il y a des nouvelles, il y a du rock'n'roll, il y a du rap, il y a peut-être une émission de Radio Vatican, etc. Et vous allez me dire, mais j'entends rien. Mais si, évidemment, vous allumez un appareil radiophonique, vous sortez l'antenne, ben, vous allez percevoir que dans cet air, il y a des ondes qui traversent et il suffit d'avoir l'appareil pour les capter et les décrypter et les entendre. Eh bien, c'est la même chose pour l'Esprit de Dieu. Il remplit l'univers, mais il reste invisible à ceux qui ne sont pas équipés pour capter ses messages. Et les dons du Saint-Esprit sont comme 7 antennes qui vont nous permettre d'aller chercher dans toute la subtilité le langage de Dieu et l'action de Dieu. Ces dons spirituels sont greffés sur ce qu'on appelle notre organisme surnaturel. On a un organisme naturel, c'est-à-dire un corps qui est fait avec des organes. Les organes, c'est organisé, ça veut dire que chacun a sa juste place et ça permet à l'ensemble de vivre. Eh bien, Dieu nous a donné aussi un organisme surnaturel, différents organes, chacun à leur place, qui nous permettent de vivre de Dieu, de vivre la vie éternelle déjà maintenant. Et dans cet organisme, donc, les dons du Saint-Esprit qui vont éclore dans le milieu divin. Un peu comme nous, si on nous mettait sur la Lune, ben, notre organisme il serait détruit. Il a besoin d'un environnement terrestre pour vivre, se nourrir, s'épanouir. Eh bien, cet organisme surnaturel, il s'épanouit, il grandit, il trouve sa vie dans l'environnement qui est le sien, qui est l'environnement divin. C'est en Dieu, c'est sous le soleil de Dieu que vont bourgeonner ces dons, dans l'enracinement, dans la vie de la grâce. Alors, Jésus donc leur ouvrit l'esprit à l'intelligence des Écritures. Intelligence, c'est un mot qui vient du latin « intus legere », qui veut dire « lire à l'intérieur ». On peut faire une seconde étymologie, c'est « interligere », « lire entre ». Vous savez comme on dit « lire entre les lignes ». « Intus legere », donc « lire à l'intérieur », c'est le propre de l'intelligence. Même dans les sciences positives, on regarde des choses dans leur apparence et on pénètre leur mystère par un regard intelligent. C'est la même chose pour la philosophie. L'intelligence nous permet, à partir de différents individus, d'arriver à un concept universel. Vous voyez des tas de chevaux, puis vous arrivez au concept de cheval, qui est une élévation à un niveau d'abstraction plus élevé. On lit à l'intérieur des choses, on trouve des choses communes et on s'élève à un niveau plus haut. Mais c'est la même chose avec le don d'intelligence pour les Écritures. C'est-à-dire qu'il va nous permettre de lire au-delà de la formalité de la lettre ce qu'est l'Esprit. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire? Parce qu'on peut lire l'Écriture d'une manière très philologique, vous savez, analytique, grammaticale, même comme beaucoup, malheureusement, d'exégètes le font, ils dépecent l'Écriture comme un cadavre, puis ils disent « Regardez, il y a telle partie, etc. » On peut faire cette lecture très abstraite, très découpante. Mais par le don d'intelligence, nous comprenons que à travers ces récits, ces genres littéraires, c'est Dieu lui-même qui nous parle. Un peu comme dans les vitraux d'une église, vous avez différentes formes, différentes couleurs, différents personnages représentés, mais c'est une unique lumière qui les traverse. C'est la même chose pour l'Écriture. Elle est très diverse, mais c'est l'unique Verbe qui parle en elle. Donc, cette intelligence va nous permettre de rencontrer Jésus, le Verbe de Dieu, qui nous parle dans la richesse extraordinaire des Écritures. Parfois, d'une manière toute simple. Il n'y a pas longtemps, j'étais un peu déstabilisé par toutes sortes de soucis. Puis j'ouvre mon bréviaire, puis je vois, passage, verset, « Jésus se tenait là sur le rivage. » Et ça m'a fait un effet instantané d'apaisement. J'ai compris que ce petit verset, Jésus me disait « Calme-toi, Martin, tout est sous contrôle, je suis là. Tu es dans ton petite chaloupe qui fait comme ça, moi, je suis sur le rivage de l'éternité. Je suis là. » Ben, ce verset-là, je l'avais lu des centaines de fois, il ne m'avait pas fait cet effet-là ce jour-là. Mais voilà, le don d'intelligence nous permet de laisser Dieu nous parler personnellement. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que le don d'intelligence va nous permettre d'aller au-delà de ce que peut-être on a appris au départ dans la foi, c'est-à-dire qu'on nous a dit des vérités révélées qu'il fallait croire, puis dans l'humilité on les a acceptées dans la foi, mais les dons du Saint-Esprit nous permettent d'éprouver intérieurement ces vérités, et notamment le don d'intelligence va nous faire sentir que c'est une vérité qui va transformer ma vie, qui a un pouvoir d'illumination et qu'il s'adresse, ce verset, à moi particulièrement dans telle situation particulière, ou bien il va éclairer plus largement le sens de ma vie. Car ce don d'intelligence, il nous montre la source et la finalité des choses qui est simple, en fait. Et Jésus le dit, hein, Dieu ne s'adresse pas aux sages et aux intelligents de ce monde, mais aux simples. C'est-à-dire que par le don d'intelligence, nous comprenons que tout a une source unique et une finalité unique. Ben, ça fait du bien de penser ça. Dans nos vies compliquées, comme c'est apaisant de penser que Dieu est absolument simple, que c'est lui qui est à l'origine de tout et qui mène tout à sa finalité. Donc, c'est une intelligence qui simplifie. Contrairement à une intelligence scientifique qui peut-être pense grandir en additionnant ou en élargissant son champ, d'une certaine manière, le don d'intelligence est plutôt une simplification, encore une fois. Il ne s'agit pas de savoir beaucoup de choses, comme dit saint Ignace de Loyola, mais de les goûter intérieurement. Et on voit que des grands saints, par exemple, ont juste étudié, entre guillemets, un aspect du mystère de Dieu, mais ils l'ont merveilleusement approfondi, et à partir de cela, ils ont compris tout le reste de la révélation. Alors, frères et sœurs, ce qui nous est proposé cette semaine pour exercer ce don d'intelligence, c'est toujours le défi qu'on vous donne de une heure pour Dieu. Une heure pour Dieu, vous avez des petits cartons dans vos bancs, pour ceux qui n'ont pas encore remarqué, dans lesquels on peut prendre, si on pense qu'on est appelé à cela maintenant, prendre une heure pour peut-être relire ce passage de l'Écriture que nous avons entendu ce soir. Il leur ouvrit l'esprit à l'intelligence des Écritures. Et pas seulement ce don d'intelligence, mais les autres dons qui ont besoin donc du milieu divin pour bourgeonner, pour se déployer. Et faire donc cette expérience que Jésus veut me parler à travers un texte, que je vais lire, que je vais relire. Peut-être au début, ça va être juste la surface de l'information qui va nous frapper. De fait, il faut comprendre l'histoire que ça raconte avec notre intelligence naturelle. Mais petit à petit, l'Esprit Saint va commencer à agir. Et ce qui est extraordinaire dans les dons du Saint-Esprit, c'est que c'est pas le fruit de nos efforts, mais c'est vraiment une initiative divine qui va tout d'un coup, comme un rayon de laser, venir éclairer ou rendre savoureux tel passage de l'Écriture et nous inviter à l'approfondir, à le goûter, à le laisser pénétrer en nous, sans forcément faire des grandes élucubrations, des grandes méditations théologiques ou métaphysiques, mais en le laissant toucher notre cœur, illuminer notre intelligence et nous faire contempler. C'est le mouvement de la Lectio Divina. On entre dans un dialogue amoureux et simple avec la parole de Dieu et on laisse le Seigneur nous éclairer, nous ouvrir l'esprit. Au-delà de la lettre, l'esprit. Qu'est-ce que Jésus me dit? L'unique lumière du Verbe qui traverse toute la révélation et qui vient me toucher. C'est bien ce qui est annoncé par l'Écriture. Les souffrances du Messie, sa résurrection d'entre les morts, le troisième jour. Voilà, Jésus nous donne ce message tout simple. Je suis mort et ressuscité pour te faire naître de nouveau, pour te montrer l'extraordinaire héritage de grâce qui nous est promis à nous les croyants. Quel trésor de gloire Dieu a préparé pour nous dans son Fils Jésus-Christ par la puissance de sa résurrection. Il nous a tant aimés qu'il a donné son Fils pour que nous vivions dès ici-bas une vie de ressuscité et que l'Esprit-Saint vienne témoigner à notre esprit que Dieu nous aime, qu'il agit en nous, qu'il nous donne l'intelligence de son plan sur chacun de nous, sur l'Église et sur l'humanité. Amen.